Exercice 4, page 156. 16. Ceci. Essence. Assassin. Chouchou. Chercher. Cache-cache. Bouche à bouche. Sèche. Sachet. Sushi. Sachant. Chance. Chanson. Chausson. Chasser.